بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد donc chers frères et sœurs en islam, on passe à notre dernier chapitre de notre série les héritiers des prophètes et dans ce chapitre inshallah ta'ala on va maintenant parler de l'acquisition de la science. Ça veut dire quelle est la bonne méthode pour apprendre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En passant petite parenthèse, on parle principalement de la science mais ça va vous être bénéfique même dans vos études universitaires dans d'autres domaines, inshallah ta'ala, et pas seulement dans la religion, oui. Taïb, je vais... Est-ce que comme ça c'est meilleur? Taïb. Donc, on va parler maintenant, inshallah ta'ala, de l'acquisition de la science, de l'acquisition de la science. Quelles sont les règles qui régissent la bonne méthodologie d'avancement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de connaissances et de savoir. Bien sûr, la première chose, c'est d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. De faire le tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala parce que la science est une richesse. Tout comme si tu veux devenir riche, avoir plus d'argent, tu vas avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour trouver un bon emploi, etc. Exactement, c'est la même chose ici. Tu dois avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois demander son assistance. Iyaka na'budu wa iyaka Nasta'in, tu demandes l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un dua spécifique que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris dans le Coran al-Karim. Wa qur rabbi zidni ilma, n'est-ce pas? Dis, ô mon Seigneur, accorde-moi plus de connaissances. Tu dis dans ton dua, ô Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-moi plus de connaissances. Ça, c'est une chose que tu es encouragé à dire, que tu es encouragé à dire dans ton dua. Et tu dois bien sûr te rappeler ici que, et ça c'est très important, la connaissance, ça ne vient pas à cause de ton intelligence, ni à cause du nombre de livres que tu vas lire, ça vient avant tout par le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, voyez-vous? Et c'est pour ça que toi, tu dois toujours reconnaître que nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont faibles, qui n'avons pas beaucoup de connaissances. Même les anges, comme on l'a mentionné, ils ont dit « La ilma lana illa ma » Ils ont dit, oh Allah, on n'a pas de connaissance à part la connaissance que tu nous as accordée, voyez-vous? Non. Mais quand on parle, bien sûr, d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance qui est sincère implique que tu vas commencer à prendre des mesures, tu prends des actions. Ça ne veut pas dire que tu vas rester chez toi, sur ton lit, tu vas dire, oh Allah, Rabbi zidni ilma, et c'est fini. Non, tu dois aussi faire le nécessaire pour acquérir cette science. Tu dois commencer à lire, aller à des cours, consulter les savants, etc., etc., etc. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Innama al-ilmu bi at-ta'allum ». Certes, la science vient avec l'apprentissage. C'est ça le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire qu'il est en train de répondre à certaines personnes qui pourraient penser que celui qui a beaucoup de connaissances, c'est parce qu'il est né comme ça, il est né intelligent, voyez-vous? Et celui qui ne connaît pas, c'est parce qu'il est né ignorant, il va toujours être ignorant, non? Si tu veux apprendre, aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et commence à chercher la science, Allah subhanahu wa ta'ala va te l'accorder. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il a dit « Inna ar-rajula la yuladu aliman wa innama al-ilmu bit-ta'allum » Il a dit « La personne n'est jamais née avec le savoir. Mais le savoir vient avec l'apprentissage. Le savoir vient avec l'apprentissage. Numéro 2. La patience et l'endurance. Si tu veux apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois être patient et endurant. C'est parce que parfois l'apprentissage va être difficile. Comme aujourd'hui, vous avez passé, mashallah, plusieurs heures, n'est-ce pas, écrire comme ça assis, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose de facile. Ça serait plus intéressant, selon nefs, selon ce que notre nefs, elle dit, d'être à la maison, n'est-ce pas? Comme ça, allongé sur son sofa, etc. Mais là, tu es en train d'endurer, d'être patient pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sache que ça, c'est une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si ton intention est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, sahih Muslim, son livre sahih Muslim, il a mentionné comme ça un hadith qui avait une chaîne de narration compliquée. Donc on peut comprendre que ça lui a pris beaucoup de temps dans sa vie. Imam Muslim, rahimahullah, pour pouvoir nous ramener ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Après ça, il a fait un petit commentaire comme ça, pour faire sortir ce qui était dans son cœur et le partager avec nous. Il a dit quelque chose qui n'avait rien à voir avec le hadith. Le hadith, si je me rappelle bien, c'était un hadith dans le chapitre des ablutions. Si je me rappelle bien, wallahu a'lam. Après ça, il a dit... قال يحيى بن أبي كثير il a dit يحيى ابن أبي كثير qui est un autre savant antérieur à Imam Muslim il a dit لا يستطاع العلم براحة الجسم tu ne vas jamais avoir la connaissance si ton corps est toujours au repos voyez-vous ça veut dire il est en train de te dire j'ai travaillé dur pour te ramener ce hadith qu'aujourd'hui toi tu peux lire dans Sahih Muslim c'est beaucoup de travail avant que je ne puisse te le faire en quelque sorte parvenir قيل لبعضهم بما أدركت العلم on a demandé à quelqu'un qui avait du savoir on ne sait pas c'est qui Allahu A'lam c'est quelqu'un qui avait du savoir comment est-ce que tu as pu atteindre ce degré de connaissance ce haut degré de connaissance il a dit بالمصباح والجلوس إلى الصباح avec la lanterne et avec le fait de veiller jusqu'au matin ça rime bien بالمصباح والجلوس إلى الصباح ça veut dire la lanterne était toujours allumée même lors de la nuit ça veut dire je ne dormais pas et je restais jusqu'à presque al-fajr j'étais en train de lire et de lire et d'étudier l'une des difficultés auxquelles tu pourrais faire face quand tu vas commencer à apprendre la science on parle ici bien sûr d'avancer plus on ne parle pas des obligations les obligations c'est facile à apprendre comment tu fais ta prière ta croyance etc quelques cours ici et là n'est-ce pas et tu peux le faire mais si tu veux t'approfondir dans la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala l'une des épreuves fréquentes auxquelles tu pourrais faire face surtout au début c'est la pauvreté c'est la pauvreté n'est-ce pas tu vas avoir moins d'argent c'est pour ça que l'imam Malik rahimahullah ta'ala il a dit إن هذا الأمر لن ينال إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر il a dit ce statut ça veut dire le statut de savant que moi et d'autres nous avons Imam Malik et les autres pas moi là Imam Malik que nous avons n'est-ce pas personne ne va l'atteindre avant de goûter à la pauvreté pourquoi selon vous quelle est l'explication qui est derrière ça Oui, mon frère, tfadda. En fait, c'est à cause du temps qu'on consacre, donc il n'y a pas assez de temps pour travailler et tout, donc le fait d'étudier beaucoup, il n'y a pas assez de temps pour aller travailler, pour se faire de l'argent. Exactement. C'est que première chose, bien sûr, quand tu donnes plus de temps pour apprendre la religion, tu vas avoir moins de temps pour faire le commerce comme les autres personnes, n'est-ce pas, pour te faire de l'argent. Donc ça va prendre de temps, voyez-vous. Et la deuxième chose, surtout lors de leur temps à eux, imma rahimahullah ta'ala, de nos jours, c'est facile. Dans leur temps pour apprendre, tu as besoin soit d'aller voir les savants, de faire des voyages, ça coûte très cher, tu vas dépenser, n'est-ce pas? Inch'Allah ta'ala, j'espère un jour qu'on aura l'occasion de faire un séminaire comme ça très intéressant, qui va être plein juste, ça sera juste des histoires. Sur les histoires des savants, comment est-ce qu'ils ont appris la connaissance? Vous allez entendre des histoires qui sont extraordinaires, qui sortent de l'imaginaire, n'est-ce pas? Il y a un livre qui s'appelle صفحات من صبر العلماء environ 500-600 pages comme ça c'est un livre qui rassemble seulement les histoires de la patience des savants vous allez entendre des choses incroyables pour voir qu'est-ce que les ulama les savants antérieurs du passé ils ont fait pour nous passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui le nombre de voyages qu'ils ont fait les dangers par lesquels ils sont passés etc des choses très intéressantes et très presque inimaginable en même temps. Donc, comme j'ai dit, le fait d'étudier la religion et de vouloir s'approfondir, d'être savant, etc., tu vas dépenser. Tu vas dépenser dans l'achat de livres, n'est-ce pas? Tu vas acheter des livres. Tu vas dépenser dans les voyages, etc., etc., etc. Et subhanallah, je viens de me rappeler juste comme ça, une petite histoire comme ça, si je me rappelle bien, c'est même inscrit dans ce livre que je viens de vous mentionner. Une fois, il y avait dans un cours, et dans leur temps, les cours des savants, c'est en général les cours de hadith ou bien de fiqh, n'est-ce pas? Le hadith, ça veut dire tu vas venir, tu ramènes tes crayons, tes feuilles, etc. Le cheikh, il va commencer. Après, il commence. Bismillahirrahmanirrahim. Haddathana fulan. Et il parle rapide. Les gens sont là, tu dois écrire rapide, tu dois écrire hadith après hadith après hadith. Après ça, tu vas réviser avec tes collègues. Alors là, il y a l'un des ulama, il était dans un cours d'un autre alim. Il est en train d'écrire. Soudainement, son crayon s'est brisé. Alors il a levé sa main rapidement comme ça et a dit Qalamun bi dinar, Qalamun bi dinar. Qui veut me vendre un crayon pour un dinar? Un dinar, ça veut dire, c'est pas le dinar de, qu'on connaît de nos jours, là, au Maroc et je sais pas, au Maroc, en Algérie, etc. Dinar, c'est une valeur d'argent. Ça veut dire, c'est quelque chose de valorieux. Voyez-vous? Il a dit Qalamun bi dinar, Qalamun bi dinar. Rapide comme ça, en urgence, qui peut me vendre un crayon pour dinar? Et c'est pour ça, regardez, ça c'est une autre. قال شعبة شعبة ابن الحجاج l'un des grands savants aussi, qu'est-ce qu'il a dit? من طلب الحديث أفلس, celui qui va étudier les sciences du hadith, qui veut se spécialiser dans le hadith du prophète alayhi salatu wasalam, il va tomber en faillite, il va faire faillite, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il va tout dépenser, parce que subhanallah, cette science du hadith, c'est une science qui est très attirante, très intéressante. Vous allez voir inchallah quand on va faire notre séminaire sur les sciences du hadith, Mustalah al-Hadith, on va voir tout un séminaire sur ça, Inch'Allah. Est-ce que ça fonctionne? Non. On a perdu nos deux micros, désolé. J'ai plus autre chose à offrir. Hein? Crier, exactement. S'il me reste avec quoi crier. Donc, quand on va voir, Inch'Allah, le séminaire sur les sciences du hadith, vous allez voir que c'est une science qui est, comme ils disent, addictive. N'est-ce pas? C'est une drogue. Ça veut dire, toute personne qui passe comme ça par les sciences du hadith va s'y accrocher. Il y a beaucoup de tentations. C'est quelque chose de fort intéressant, voyez-vous? C'est pour ça que les ulama, ils aimaient ça. Et quand ils entraient dans les sciences du hadith, tu ne sors plus. Ils disent, les sciences du hadith, بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ. C'est un océan qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Ça veut dire, c'est juste de l'eau, de l'eau, de l'eau, tu ne vas jamais arriver. Ton navire va toujours rester sur de l'eau jusqu'au jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que si tu étudies, si tu veux te spécialiser dans le hadith, si quelqu'un va nous dire, moi je vais aller à la Médine et telle chose, ou bien Azhar autre chose, me spécialiser dans le hadith veut dire, mon frère, tu dois être prêt à l'avance que tu vas probablement faire faillite. Un jour ou l'autre dans ta vie, sois préparé. Si tu n'as pas la patience de le faire, fais quelque chose de plus facile. Aussi, une autre difficulté auquel tu pourrais faire face quand tu étudies la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en détail, c'est le comportement de ton enseignant. Ça veut dire parfois tu vas devoir apprendre de certains enseignants que toi tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas leur comportement, ils sont trop durs, trop stricts, etc. Est-ce que ça veut dire que tu vas leur dire « moi j'apprends plus, j'arrête » Non. Regardez ce que Al-Asma'i il a dit. من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. Celui qui n'est pas prêt à endurer l'humiliation de l'apprentissage pour un moment va rester dans l'humiliation de l'ignorance pour le restant de sa vie. Voyez-vous? Ça veut dire quand toi tu vas aller, mettons chez un grand savant, tu veux étudier chez lui, etc. Tu sais, tu vas voir, dans le masjid, il lui ramène lui un beau fauteuil, comme ça, il va s'asseoir, parce que c'est le savant, tout le monde pense à lui, etc. Ils vont lui ramener du thé, à chaque 15 minutes, on va lui ramener de l'eau, etc. Il a son micro, et toi, tu es assis par terre, pas sur une chaise, tu es assis par terre. Et ton dos, il te fait mal, n'est-ce pas? Il fait chaud dans le masjid, etc. Tu es en train d'écrire comme ça. Ça, c'est une forme d'humiliation, en apparence, voyez-vous? Mais si tu es patient pour une telle humiliation, pour un certain temps, tu vas gagner l'honneur de la connaissance pour le restant de ta vie par la suite. وقال الشافعي كان يختلف إلى الأعمش رجلان أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث فقال الآخر لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه. Imam A'mash, l'un des grands savants de l'islam aussi, il y avait deux personnes qui venaient à son cours. Parmi les autres personnes. Mais deux personnes venaient ensemble. L'un d'entre eux, c'était un vrai étudiant du hadith. L'autre, c'était quelqu'un qui vient comme ça de passage. Il y a un cours, je vais y assister, c'est tout. Alors un jour, l'imam Al-A'mash, rahimahullah, s'est emporté contre celui qui était un étudiant sérieux. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, regarde comment est-ce qu'il te traite. Si moi, il m'avait fait la même chose, je ne reviendrai plus après aujourd'hui. Essaie de lui dire, tu as été humilié par le cheikh et tu n'as rien fait. Faqal al-A'mash, alors l'imam A'mash, quand il a entendu parler de cette histoire, il a dit, idhan huwa ahmaq, il est stupide, n'est-ce pas? Pourquoi? Yatruku ma yanfa'uhu li su'i khuluqi, il va sacrifier quelque chose qui lui est bénéfique à lui à cause de mon mauvais comportement. Pas logique. Ça veut dire, encore une fois, et cette question, la sœur l'a posée un peu plus ce matin d'une forme qui était différente. Si quelqu'un t'apprend quelque chose qui t'est bénéfique à toi, ne va pas dire, je ne vais pas l'écouter, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est parce que, regarde, il ne parle pas de la bonne façon, etc. Tu n'aimes pas la façon dont il parle, ça c'est contre lui. Mais prends ce qui est bénéfique à toi-même, ça veut dire la connaissance qu'il est en train de te passer. وقال بلال بن أبي بردة إلى دي لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. Il a dit, le fait que vous connaissez certaines choses mauvaises à propos de nous ne devrait pas vous empêcher de prendre le meilleur de ce que nous vous offrons. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes, elles font, voyez-vous. Il va te dire, ah, tel savant, je l'ai vu. Aujourd'hui, il a fait sa prière rapidement. Je ne prends pas de lui. Tel savant, il a tel défaut. Tel savant, il a tel défaut. Les petits défauts comme ça, ne les prends pas comme excuse pour rejeter la connaissance de la personne. Et ce qu'on a mentionné un peu plus auparavant sur la question de l'intégrité, n'est-ce pas? L'intégrité, c'est sur les choses qui sont graves, qui sont sérieuses, qui sont apparentes. Ce n'est pas parce qu'une personne fait une seule erreur que tu vas dire ça et lui n'a plus. Il perd son statut d'intégrité. C'est parce que le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, nous a dit « Kullu bani adama khata'a kama qala alayhi sallallahu alayhi. » Tout le monde fait des erreurs. Même les savants, ils font des erreurs, ils commettent des péchés, etc. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui commet quelque chose une fois, comme ça par erreur, n'est-ce pas? Tu as vu un savant une fois, il s'est emporté. Tu as croisé comme ça par qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as croisé un savant dans le marché, il faisait ses courses. Et tu l'as vu comme ça, la seule fois où tu l'as rencontré, il était en train de se disputer avec un marchand. Et il s'est emporté, il criait, etc. Est-ce que tu vas dire, lui il n'est plus intègre? Non, ça arrive, c'est un être humain, ça peut lui arriver de s'emporter, etc., etc. Mais c'est différent de quelqu'un qui va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala de façon qui est constante. Si on va te dire que tel savant, par exemple, il gagne sa vie de façon qui est haram. Il dit aux gens que voilà, voilà, voilà la religion, alors que derrière ça, il a une usine d'alcool. Pas intègre, voyez-vous? Donc, il y a une différence entre les deux. Et une autre, Afwan? La narration, c'est « La yamna'ukum su'u ma ta'lamuna minna an taqbaluna ahsana ma tasma'una minna » Que les choses mauvaises que vous connaissez à propos de nous ne devraient pas vous empêcher d'apprendre le meilleur et de prendre le meilleur de ce que nous avons à vous apprendre en quelque sorte. Wa qala al-Khalil ibn Ahmad. Bon, ça se ressemble en quelque sorte à la même chose. On ne va pas devoir le mentionner. Et ça, bien sûr, quand on parle de ces comptes, c'est la seule option que tu as. Si bien sûr tu as maintenant un alim, un shaykh qui a un comportement exemplaire, et qu'il y a un autre qui a un comportement qui est moins exemplaire, et tu as le choix entre les deux, tu prends celui qui a le comportement qui est exemplaire. Mais parfois, tu n'as pas le choix, voyez-vous, parfois, tu n'as pas le choix, et il ne faut pas être surréaliste, il faut être réaliste. Ça veut dire, on ne va pas te dire, moi je cherche, ah, je viens de prendre dans le séminaire, n'est-ce pas, les héritiers des prophètes, que les pieux ancêtres, ils se comportaient comme ça, et comme ça, et comme ça, alors je dois trouver la même chose ou je n'apprends pas la religion. Non, tu n'es plus dans le temps des pieux ancêtres, voyez-vous, donc il faut être en quelque sorte réaliste. Quand on juge les gens sur leur intégrité, c'est selon le standard de notre ère, le standard de notre temps de nos jours. C'est clair? Taïb. Numéro 3, la continuité et la constance dans la quête vers le savoir. Ça veut dire que devenir un savant, ce n'est pas quelque chose que tu vas un jour atteindre. Et on va te dire, ça y est, t'es un savant, arrête-toi. Non, tu dois apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à quel jour? Jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, qu'est-ce qu'il dit au prophète alayhi salatu wa salam, qui peut nous rappeler le dua qu'on a déjà mentionné? Sourate Taha. Wa qur rabbi zidni. Ilma dit, ô mon Seigneur, accorde-moi plus de connaissances. Si même le prophète, alayhi salatu wasalam, il devait demander plus de science d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de ses temps, que dire de nous qui ne sommes pas bien sûr des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن عباس من هومان لا تنقضي نهمتهما طالب علم وطالب دنيا. Il a dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il y a deux personnes. Donnez-moi juste deux secondes, ok? Je pense que j'ai une batterie ici parce que je pense bien qu'on peut changer la batterie. Est-ce que quelqu'un a une batterie double A? Batterie normale comme ça? Hein? Ah, j'ai trouvé. Je pense que j'ai trouvé. Mais je sais pas si. J'espère que ça va marcher, Inch'Allah. Ah, je pense bien que ça fonctionne. Bismillah. Est-ce qu'on peut m'entendre? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Taïm, alhamdoulilah. Ça aide beaucoup. قال ابن عباس, ابن عباس رضي الله تعالى عنهما il a dit: من هماني, il y a deux personnes affamées, لا تنقضي نهمتهما, qui ne vont jamais se dissocier de leur fin. Talibu ilmin wa talibu dunya. C'est celui qui cherche la science, l'étudiant de la science, et celui qui cherche la dunya, ça veut dire la richesse. Celui qui cherche la richesse, est-ce qu'un jour il va être contenté? Est-ce qu'il va être content? Non. S'il devient millionnaire, il va vouloir devenir milliardaire, et ainsi de suite. Et celui qui cherche la science, c'est la même chose. À chaque fois qu'il apprend quelque chose, il va se dire: ah, j'aimerais tellement lire maintenant l'autre livre et apprendre plus sur tel et tel et tel sujet. C'est exactement la même chose. Et Soufiane ibn Uyayna, on lui a demandé: man ahwaju nasi ila talab al-ilm. Ça, c'est très important. Écoutez ça. On lui a demandé: c'est qui la personne qui a le plus besoin d'apprendre? Il a dit: a'lamuhum. C'est celui d'entre eux qui a le plus de connaissances. Pourquoi? Inna al-khata'a minhu aqbah. Car l'erreur qui vient de lui est plus grave. Voyez-vous? Ça veut dire que si quelqu'un est un savant, il a plus besoin d'apprendre que les autres. Parce que si lui, il va répondre faussement, il va faire une erreur, c'est plus grave qu'un ignorant qui va faire une erreur. Voyez-vous? Wa qila l'ibn al-Mubarak. Ça, c'est intéressant. Si on a demandé à l'imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah, jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à apprendre, à étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit jusqu'à la mort, insha'Allah. Hatta al-mamati, insha'Allah. Après ça, il a dit: la'alla al-kalimata allati tanfa'uni lam aktubha ba'd. Il a dit: peut-être que le mot qui va m'être bénéfique devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, je ne l'ai pas encore écrit. Voyez-vous? Donc, tu cherches, et ça arrive. Si tu étudies la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas voir que tu avances à chaque jour, tu vas apprendre, etc. Mais une fois, de temps en temps, comme ça, tu vas tomber sur un mot comme ça, que tu vas voir, ce mot-là, je le voulais tellement. Cette phrase, je la cherchais tellement. Ça me parle directement. Voyez-vous? Donc, tu continues, à chaque fois, tu vas trouver quelque chose qui pourrait être le mot qui va faire la différence devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Et vous savez, c'est qui l'imam Ibn al-Mubarak? Quand on parle d'Ibn al-Mubarak, qui peut nous dire c'est qui l'imam Ibn al-Mubarak? Allahu a'lam. Ça, c'est l'un des piliers des savants de l'islam, l'un des grands savants de l'islam. Parce que comme on le répète à chaque fois, quand on parle des savants de l'islam, il n'y a pas juste les quatre savants, il n'y a pas juste les quatre imams qu'on connaît habituellement. Il y en a d'autres qui ont même plus de connaissances que les quatre savants. C'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que qu'il n'ait pas d'école en quelque sorte, qui se développe au fil du temps après eux qui arrivent jusqu'à de nos jours. On va voir ça inshallah ta'ala dans le séminaire sur l'histoire de la législation et de la jurisprudence. Mais l'imam Ibn al-Mubarak rahimahullah, c'était un grand savant de hadith. Ce qui le caractérisait, écoutez bien ça, un grand savant de hadith qui avait beaucoup de wara', de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui faisait beaucoup de ibadah d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était très puissant et qui partait fréquemment dans les armées des musulmans. Il participait dans les armées des musulmans. C'était un grand alim. Mais en même temps, il participait avec les armées des musulmans. Et en plus de ça, écoutez bien ça, c'était quelqu'un d'extrêmement riche. C'était quelqu'un d'extrêmement riche. Imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah. Et malgré sa richesse, il ne s'est pas détourné du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous allez découvrir c'est quoi le secret qui est derrière la venue de ce Imam Ibn al-Mubarak, vous allez savoir que c'est quelque chose de logique. Vous savez, il vient de où l'Imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah? L'histoire du mariage entre son père et sa mère. Comment est-ce qu'ils se sont mariés? Afwan? Là, Imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah, son père était un pauvre, un ouvrier, quelqu'un qui était comme ça, n'est-ce pas, il travaillait dans l'agriculture, etc., une personne très pauvre. Alors, il travaillait chez quelqu'un qui était riche, qui était un agriculteur en quelque sorte, qui avait des champs de raisins et de vignes, etc., etc. Allah Ta'ala a'lam, je ne sais pas, je ne me rappelle pas de l'histoire exactement, s'il était là juste pour surveiller ou bien pour faire la récolte, etc. Je ne sais pas, Allahu a'lam. Mais un jour, le propriétaire du champ est venu chez cet homme qui était le père de l'imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala. Il a dit, est-ce que les raisins sont mûrs, sont devenus mûrs maintenant? Il a dit, Allahu a'lam, je ne sais pas. Il a dit, tu n'as pas goûté? Il a dit, non. Il a dit, pourquoi? Il a dit, لِأَنَّ صَاحِبَ الثَّمَرِ لَمْ يَأْذَنْ لِي. C'est parce que le propriétaire ne m'a pas donné l'autorisation de le faire. Juste pour prendre un seul raisin, pour le goûter, il travaille là-bas, mais il n'a même pas goûté à un seul raisin. Alors il a dit, quelqu'un comme toi, je lui donne ma fille. Ça veut dire, je ne peux pas trouver quelqu'un de plus intègre que toi, malgré que tu es pauvre, etc., etc., n'est-ce pas? Sa fille, c'est la mère de l'imam Ibn al-Mubarak, et après ça, on a eu l'imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Afwan? Quelle ville? Quelle région? Wallahi, je ne me rappelle pas. Je me rappelle, je ne sais pas. Allahu a'lam. Ra'a rajulun ma'al imam Ahmad mahbaratan. Une fois, un homme a vu avec l'imam Ahmad une mahbara, une plume. Une plume avec de l'encre à l'intérieur. فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ بَلَغْتَ هَذَا الْمَبْلَغِ وَأَنْتَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَكَ الْمَحْبَرَةُ تَحْمِلُهَا. Il a dit, « Imam Ahmed, toi tu es le imam des musulmans de nos jours, tu es le grand savant de Bagdad, tout le monde revient à toi et tu portes encore une plume et de l'encre. » Ça veut dire c'est toi qui parles maintenant, c'est les gens qui écrivent, c'est pas le contraire. Alors il a dit, مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة. Il a dit, je serai avec ma plume et mon encre jusqu'à ma tombe. Jusqu'à ma tombe. Et une autre histoire un peu plus drôle de l'imam Ahmed lui-même aussi, عليه رحمة الله تعالى, عن محمد بن إسماعيل الصائغ. قال كنت أصوغ مع أبي ببغداد. Un savant qui s'appelle Mohamed ibn Ismail. Et lui, c'était un bijoutier. Lui et son père, c'était des bijoutiers. Il a dit, une fois, on était à Bagdad, dans le magasin de mon père. On était en train de travailler sur les bijoux, etc. فَمَرَّ بِنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلْ وَهُوَ يَعْدُ وَنَعْلَهُ فِي يَدِهِ. Soudain, il y a l'imam Ahmed qui est passé comme ça en courant. Il était en train de courir avec ses chaussures, en quelque sorte, ses mules qui étaient dans ses mains. Voyez-vous, et il court. Pour courir vite comme ça, il a enlevé ses mules et il court à pieds nus comme ça et il tient ses mules. Ça, c'est l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. فَأَخَذَ أَبِي هَكَذَا بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ. Mon père a pris ses vêtements. Je ne sais pas, ça ne dit pas clairement ici, est-ce qu'il a pris les vêtements de l'imam Ahmad ou bien ses propres vêtements, mais en tout cas, on comprend le sens. فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ Ala tastahi. Il a dit à Imam Ahmed, t'as pas honte de faire ça? Ila mata ta'du ma'a ha'oula as-sibyan. Jusqu'à quand tu vas continuer à courir avec ces enfants? Ça veut dire avec ces jeunes qui courent toujours à la mosquée pour aller apprendre. Et toi, Imam Ahmed, tu cours avec eux comme ça, avec tes mules dans ta main, etc. Il a dit, il est le maut, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je vais courir parce que je veux toujours apprendre plus et me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abi Ghassan, un autre savant, il a dit, la tazalu aliman, ma kunta muta'alliman, fa idha istaghnayta kunta jahilan. Il a dit, tu es considéré comme étant un savant tant que tu es en train d'apprendre. Et le jour où tu vas cesser d'apprendre, tu vas être considéré comme étant un ignorant. Comme un ignorant, voyez-vous. Bien sûr, tout ça, ce qu'on est en train de mentionner en passant, quand on parle de tout ça, voyez-vous, parce que certaines personnes pourraient dire, mais moi, ça ne me concerne pas directement ce genre de choses. Voyez-vous, je ne suis pas un savant, je n'ai pas comme objectif de devenir un savant, etc. Mais ça reste que ça nous inspire. Voyez-vous, on ne peut pas être comme Imam Ahmed, on ne va pas arriver à Imam Ahmed, ni Ibn al-Mubarak, ni rien du tout. Mais si tu peux être 5%, 10%, c'est déjà beaucoup. Voyez-vous, quand tu mets le plus que ton objectif va être haut, le plus que ton rendement va être plus haut en quelque sorte. Voyez-vous ? Et ça nous rappelle aussi, ça nous renseigne sur les personnes qui nous ont transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était quel type de personne ? Ben c'était ce genre de personne, alayhim rahmatullahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Numéro 4. De débuter sa quête pour le savoir et pour la science tôt. Tôt, ça veut dire le plus tôt possible dans ta vie. Et jeune, le plus jeune que tu es, le meilleur que c'est pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le Hassan al-Basri, il disait قَدِّمُوا إِلَيْنَا أَحْدَاثَكُمْ فَإِنَّهُمْ أَفْرَغُ قُلُوبًا وَأَحْفَظُ لِمَا سَمِعُوا. Imam al-Hassan al-Basri disait aux gens comme ça, ramenez-nous vos enfants, parce que leurs cœurs sont plus libres, sont plus tranquilles, et ils peuvent retenir l'information plus facilement. Parce que, bien sûr, le plus que tu es jeune dans ta vie, le moins que tu as de soucis, de responsabilités. Voyez-vous, donc, ça, peut-être, ça ne nous touche pas nous directement, mais au moins, ça nous renseigne que pour l'avenir, inshallah ou ta'ala, nos enfants, n'est-ce pas, quand Allah subhanahu wa ta'ala va te donner des enfants, tu fais quoi? Tu t'assures de leur apprendre leur religion dès leur jeune âge. À la place que ton fils va jouer, je ne vais pas dire au Xbox ou autre chose, parce que Allah Ta'ala a'lam, dans 5 ans, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore, n'est-ce pas? Ça c'est ancien. Ça. Mais vous comprenez. À la place qu'il ne fasse que ça pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour lors de ses vacances, tu lui consacres lors de ses vacances 2 heures par jour à aller apprendre le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des enfants, même ici à Montréal, n'est-ce pas, qui apprennent le Coran à 6 ans, 7 ans. Il apprend le Coran au complet. Imaginez, c'est un enfant, il ne connaît rien de la religion, il ne va pas comprendre le Coran, mais ce n'est pas grave. Le jour où il va grandir, il arrive à l'âge de 14, 15, 16 ans, il commence à comprendre la vie, commence à comprendre la religion. Il va regarder à droite et à gauche. Mes parents m'ont donné l'apprentissage. Moi, je connais le Coran. Incroyable. Personne ne connaît le Coran et moi, je le connais le Coran. Incroyable. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est commencer à comprendre le Coran parce que tu as déjà traversé une grande étape. Voyez-vous, donc, les ancêtres, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils accordaient beaucoup d'importance aux petits-enfants et ils accordaient de l'importance à deux choses. Bien sûr, l'éducation, ça veut dire les bonnes manières, etc. Mais aussi l'apprentissage, le par cœur. Les enfants, c'est pour le par cœur. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils aiment jouer, mais ils peuvent le faire facilement. C'est parce qu'ils n'ont pas de soucis. Voyez-vous, les enfants, quand l'enfant il rentre à la halaqa pour apprendre, il est là pour apprendre. Il ne va pas penser à la facture et telle chose et tel appel à faire et tel, n'est-ce pas, tel invité à recevoir, etc. Il n'a rien comme souci dans sa tête. Il va, tout ce que toi tu lui donnes, il va le prendre. Il apprend. Une fois qu'il va grandir, il va dire, ah, je connais tant, tel nombre de hadiths, tel nombre de versets, telle chose, cette chose. Mashallah, je suis à deux doigts de devenir un savant, moi aussi. Non. قال الحسن طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. Il a dit, l'apprentissage des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, pour un jeune, c'est comme la gravure sur les pierres. Ça veut dire, ça va rester. Quand tu vas graver, n'est-ce pas, un message sur une pierre, ce n'est pas comme de l'encre. Ça y est, ça reste. Tandis que si tu écris de l'encre, peut-être ça va être effacé avec le temps. La même chose, celui qui apprend quand il est jeune, tu vas voir qu'il va garder, va retenir pour le restant de sa vie. Celui qui essaie d'apprendre quand il est plus âgé, le plus que tu es âgé, le plus que c'est difficile, n'est-ce pas, d'apprendre le Coran al-Karim, mais autre chose. Tu vas lire un verset, tu répètes 20 fois, 30 fois. Ok, le soir, tu essaies de te rappeler, ah, j'ai oublié, je vais réviser une deuxième fois. C'est parce que lors des dernières 7 heures déjà, tu as eu mille et un soucis qui sont passés par ta tête. قال علقمة ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. إمام علقمة l'un des savants, il a dit, tout ce que j'ai appris quand j'étais jeune, c'est comme si je suis en train de le voir maintenant sur une feuille. Ça veut dire, ça s'est bien gravé. À chaque minute, à chaque instant que je veux le faire sortir, je l'ai devant mes yeux en quelque sorte. قيل إنما يطبع الطين إذا كان رطبا. Ils ont dit, si tu veux modifier et définir la forme d'une quantité d'argile, tu devrais le faire quand? Quand c'est encore doux, quand il est encore mou, voyez-vous? Une fois que ça va devenir comme une pierre, ça, tu ne peux plus le changer. L'argile est devenue une pierre. C'est la même chose. Un enfant, tant qu'il est jeune, c'est de l'argile. Quand il va grandir, ça va devenir une pierre, la façon dont tu l'as défini quand il était petit, quand il était jeune, ça va probablement le définir quand il sera un peu plus âgé. Taïb, on va passer quelques... On va enlever quelques narrations comme ça qui redisent la même chose, parce qu'on n'a pas le temps. Taïb, quelqu'un va nous dire, mais moi je ne suis pas, moi je suis pas jeune, ça y est, je suis quelqu'un qui est âgé, j'ai avancé dans ma vie, etc. N'est-ce pas, j'ai des cheveux blancs, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne peux pas apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? On va lui dire non. Tout ce qu'on était en train de mentionner, c'est l'idéal. L'idéal, c'est d'apprendre quand tu es jeune. Mais tant que tu veux apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu es âgé, Allah subhanahu wa ta'ala, il va quand même t'aider. C'est pour ça que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ. La plupart des grands compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, ils ont appris la religion à ce qu'ils étaient jeunes. Non, ils étaient âgés parce qu'ils n'étaient pas musulmans et le prophète, alayhi salatu wasalam, il est venu avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Taïb, oui. Non. Al-Hassan al-Basri. Non. Wa fikum barakallah. Numéro 5, et ça c'est très important. Je suppose que probablement 80% des personnes ici ne sont pas mariées, probablement. Et mariage et connaissance, on va en parler maintenant, inshallah ta'ala. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, comme dans Sahih al-Bukhari, tafaqahu qabla an tusawwadu, il a dit, apprenez votre religion avant que vous ne deveniez, oui c'est ça, avant que vous ne deveniez des personnes qui portent des responsabilités, avec des responsabilités. Ça veut dire, aujourd'hui, si tu n'as pas de responsabilité, qu'est-ce que tu dois faire? Prends ça comme une opportunité pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de responsabilité, demain, tu vas être au centre du monde et de ta communauté et tu n'auras plus la possibilité d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme tu pouvais le faire un peu plus auparavant. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, quand il fait un commentaire sur cette citation de Umar Ibn Khattab, radiyallahu ta'ala an, il a dit, c'est parce que celui qui devient responsable habituellement, il va être gêné d'apprendre. Voyez-vous, on va donner un exemple facile comme ça. Le jour où toi tu vas devenir un imam mettant d'une mosquée et tu as 40 ans, tu vas être moins tenté de venir comme ça et t'asseoir par terre devant un savant avec les personnes qui étaient assises chez toi hier pour apprendre la science, même si normalement tu devrais le faire, mais c'est plus difficile, voyez-vous, parce que ce qui est à l'intérieur de ta nefs, elle te dit, mais toi, tu as étudié longtemps, etc. Et les gens, maintenant, ils pensent que toi, tu as de la connaissance, etc. C'est pas faisable d'aller t'asseoir, même si normalement, tu devrais le faire. Mais idéalement, commence à apprendre avant que tu n'atteignes une telle responsabilité. Et ça, je le donne, c'est un conseil très, très important. très très important pour les frères et les sœurs, et il y en a ici probablement, qui travaillent dans la da'wa, n'est-ce pas, qui travaillent dans les associations des étudiants musulmans, à l'université, etc. Tu es parfois tenté à faire des activités, organiser beaucoup de choses, à faire des projets, tel projet, tel projet, tel projet, et tu vas commencer à t'oublier toi-même. Et en faisant des projets, qu'est-ce qui arrive? Tu vas commencer à avancer, les gens te connaissent plus, te donnent plus de responsabilités, etc. Et de telle association à l'autre, à l'autre, à l'autre, jusqu'au jour où tu vas devenir le responsable de la grande mosquée, etc., etc. Voyez-vous? Et là, tu commences à avoir de grandes responsabilités alors que tu n'es pas équipé en termes de science pour faire face à ce genre de responsabilité. Ça veut dire maintenant que tu as un peu de responsabilité, fais en sorte d'apprendre beaucoup, parce que demain tu n'auras pas le temps ni l'humilité d'apprendre comme tu pouvais le faire aujourd'hui en quelque sorte. Et la même chose aussi, bien sûr, en termes, même en termes de temps en quelque sorte, n'est-ce pas, le jour où tu vas devenir une référence pour les gens te prennent comme responsable, n'est-ce pas? Ils viennent pour prendre la science de chez toi, etc. Tu ne vas plus avoir le temps comme ça de t'allonger chez toi pour lire et pour faire des voyages, pour apprendre, etc. Ça veut dire apprenez au plus vite. Et pour ceux qui ne veulent pas faire la da'wah et travailler dans les associations, etc., pour tout le monde ici, comme j'ai dit, certains ulama de hadith, comment est-ce qu'ils ont expliqué cette parole de Omar ibn al-Khattab? Il a dit ici, « وَفَسَّرَهُ شِمْرٌ اللُّغَوِيُّ » بالتزود فإنه إذا تزوج صار سيد أهله ولا سيما إن ولد له. Ça veut dire, il y a des ulama qui te disent non, Omar il a dit radiyallahu ta'ala an, tu dois chercher la connaissance et apprendre ta religion avant que tu ne deviennes le responsable, le chef d'une famille. Ça veut dire quand tu vas te marier, parce qu'une fois que tu vas te marier, tu n'auras plus la liberté que tu avais auparavant, tu vas commencer à avoir plus de responsabilités, voyez-vous, plus de soucis. Et encore plus quand tu vas avoir des enfants. Donc ça, c'est un conseil que je donne toujours aux frères et aux sœurs qui ne sont pas mariés. Ne faites pas de votre souci juste « je dois me marier, je dois me marier, je dois me marier ». Ok, tu dois te marier, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas à répéter ça 100 fois par jour. Tu vas te marier quand Allah subhanahu wa ta'ala a écrit que tu vas te marier. Mais en même temps, ne perds pas ton temps à attendre le jour où tu vas te marié. Fais quelque chose maintenant, avance dans ta vie. Et l'une des meilleures choses que tu peux faire, c'est apprendre la religion. Apprendre le Coran, le Karim. C'est parce que c'est maintenant que tu es libre. Si tu veux, tu vas aller à la mosquée, tu restes 4 heures, 5 heures, tu restes à la mosquée. Personne ne te parle, voyez-vous. Une fois que tu vas avoir une famille, tu n'es plus libre de le faire. C'est parce que tu vas dire, ah, aujourd'hui, je vais aller à la mosquée juste pour une heure, pas 4 heures. Juste pour une heure, je vais lire un peu de Coran, réviser, etc. Après la prière, je vais rester. Toi, tu fais ta prière, salam alaykoum, tu vas t'allonger comme ça sur le mur, tu ouvres le mushaf, tu reçois un message texte. Ah, il y a des choses importantes qui manquent à la maison. Telle chose, telle chose. Notre fils est malade, on doit l'amener à l'hôpital. Tu vas fermer le mushaf et tu vas sortir. Voyez-vous? Maintenant, tu as le temps, tu as la liberté. Alors, prends ça comme une opportunité parce que tu peux avancer beaucoup. Surtout pour les frères qui sont intéressés, comme j'ai dit, à beaucoup apprendre sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, et pour les personnes qui sont sincères, pas plus que 2 ans. 2 ans de sérieux. Ça veut dire, si quelqu'un est sérieux comme ça, il va dire, en 2 ans, moi je vais apprendre. Si même je dois faire un voyage vers un autre pays dans lequel il y a beaucoup de savants, etc., pas la peine. Oublier université, diplôme, etc. Tu étudies pour apprendre ta religion, pour Allah subhanahu wa ta'ala. 1 an ou 2 ans, pas plus. Dans un pays qui est plein de ulama, tu choisis les bons savants, etc. Tu sacrifies un peu, tu vas vivre un peu la misère, n'est-ce pas, pour un certain temps. En 2 ans, tu vas avoir la connaissance que 95% des personnes aux alentours de toi n'ont pas. Tu vas avancer comme une fusée, voyez-vous, non. On va parler de ça après, Inch'Allah. J'aime pas nommer de pays comme ça sur la caméra, les gens vont dire que on est nationaliste, ou bien on aime certains pays et pas d'autres. Parce qu'il y a des personnes qui sortent de façon rapide comme ça, vers des jugements. Bien sûr, dans tous les pays des musulmans, à un ou un autre degré, il y a des ulama, il y a des savants, sauf qu'il y a certains pays et certaines villes plus spécifiquement qui se sont distingués dans notre temps aujourd'hui. Non. وَعَابَ مَالِكٌ الْقَضَى. Imam Malik, rahimahullah, il a dit, j'aime pas al-qada, j'aime pas la fonction de juge. Ça veut dire, je ne la conseille pas de devenir juge. On lui a demandé pourquoi, il a dit, إِنَّ الْقَاضِي إِذَا عُزِلَ لَا يَرْجِعُ إِلَى مَجْلِسِهِ الَّذِي كَانَ يَتَعَلَّمُ فِيهِ. Il a dit, c'est parce que le juge, Si on va le mettre dehors, si on va le relever de ses fonctions, il ne va plus revenir vers le lieu où il était en train d'apprendre. Ça veut dire aujourd'hui, tu es un étudiant, n'est-ce pas? Tu es dans la halaqa, tu viens au cours de tel grand savant. Et tu viens chaque jour et tu prends des notes, etc., etc., etc. Un dirigeant juste comme ça, bien sûr un dirigeant juste qui est sur la bonne voie, il a dit on a besoin d'engager plus de juges dans notre pays. Il y a plus de problèmes de famille, etc., etc. On a besoin de plus de juges. Wallah, je vais appeler tel savant. Il va l'appeler. Est-ce que tu as des étudiants comme ça que tu me conseilles, qui sont bien formés comme ça pour devenir juge? Oui, je te conseille. Et il va conseiller toi. Alors on va te dire, est-ce que tu es intéressé à devenir juge? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Juge, c'est une bonne fonction. Tu vas devenir juge. Après 2 ans, on va voir que tu fais beaucoup de problèmes, ou bien qu'on ne t'aime pas, etc., etc., ou bien qu'il y a quelqu'un de meilleur que toi, on va te relever de tes fonctions. Est-ce que tu vas revenir à la halaqa une deuxième fois et t'asseoir par terre comme ça, à la mosquée, écrire chez le cheikh? Non, tu vas te dire, mais moi j'étais le juge. Je suis le juge, moi. Voyez-vous, donc, tu vas perdre ta position de juge et tu vas perdre la connaissance. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il n'a pas aimé cette fonction et il trouve que ce n'est pas quelque chose qu'il conseillerait à ses étudiants. Wa qala al-Shafi'iyyu, écoutez ça aussi, c'est important. Idha tasaddara al-hadathu fatahu shay'un fatahu 'ilmun kathir. Imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit, si la personne de jeune âge, si le jeune homme arrive rapidement vers l'avant, ça veut dire vers la place où il va commencer à enseigner, les gens vont commencer à apprendre de lui, etc., il va rater beaucoup de connaissances. Il va rater en quelque sorte la possibilité d'apprendre beaucoup de savoir. C'est parce que ça y est. Dès que tu es passé du statut d'étudiant au statut d'enseignant, tu viens en quelque sorte de fermer. Voyez-vous, c'est pour ça que tu vas trouver que lui-même, cet enseignant, après quelque temps, certains de ses étudiants à lui vont avoir plus de connaissances que lui. C'est parce qu'ils apprennent à travers lui, mais après ça, eux, ils vont quitter, ils vont avancer plus. Ils vont avoir plus de haine, etc., etc. Non. C'est la logique de cette vie. C'est comme ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé cette vie. C'est un cycle. Non. Jazakumullahu khair pour votre patience. Mais inshallah, on a presque fini, inshallah. Et comme j'ai dit, inshallah ta'ala, pour chaque moment que vous passez, bi'idnillahi ta'ala, apprendre la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous êtes en train d'augmenter votre statut auprès d'Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, un peu plus de patience et on va terminer, inshallah ta'ala. Taïb. Numéro 6, c'est de questionner en cas de confusion. Et comme on le sait, nous avons le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, on l'a déjà mentionné à maintes reprises, innama shifa'u al-'iyyi su'al, que certes la guérison de l'ignorance, c'est le questionnement. Voyez-vous, donc quand on ne sait pas, on demande. On demande et il ne faut pas être gêné de demander. L'imam Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah, il a dit, al-'ilmu khizanatun miftahuha al-mas'ala. Il a dit, la connaissance, le savoir, c'est comme une armoire. Sa clé, c'est le questionnement. Tu veux l'ouvrir? Tu veux avoir accès à ce trésor? Demande. Celui qui ne demande pas ne va pas avoir de réponse en quelque sorte. Et même, subhanallah, ça fait partie de la psychologie de la connaissance, voyez-vous. Le alim, le savant habituellement, parce que le savant, c'est un être humain. Donc parfois, il va être paresseux. Parfois, tu vas voir que tu es avec un savant, mais il ne te dit rien, il ne t'apprend rien. N'attends pas que lui va te dire, ok, on va faire un cours maintenant. Bismillah, inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu. Non, le savant est un être humain. Parfois, il est fatigué, parfois, il est paresseux, il veut se... N'est-ce pas? Et si toi, tu poses les questions, tu viens de mettre de l'huile dans le feu. Voyez-vous, c'est là où tu vas le mettre on. N'est-ce pas? Il va commencer... Ah, il m'a posé telle question, il va te donner la réponse. Oui, mais cher, moi, je ne comprends pas la distinction entre ça et ça. Non, mais attends, parce qu'il y a un autre hadith, et en passant, et là, il va se lancer. Voyez-vous, donc parfois, juste avec la question, tu vas lancer le ilm en tant que tel. Wa qala mujahidun, Mujahid ibn Jabr, l'un des ulama, la yata'allamu l'ilma mustahyin wa la mustakbir, kama inda al-Bukhari. Il a dit, 2 personnes ne vont jamais avoir la science. Attention, 2 personnes ne vont jamais avoir la science et la connaissance. C'est celui qui est gêné, al-mustahyi, celui qui se gêne. Ah, je ne vais pas demander de questions, ils vont dire que je ne sais pas. Probablement que... Mais comment ça se fait? Personne ne pose et moi je pose. Tu ne sais pas, peut-être que personne ne connaît. Tout le monde est gêné comme toi, voyez-vous. Wala mustakbir, et l'arrogant, l'orgueilleux, celui qui dit non, non, non, moi je pose des questions. Pourquoi je poserai des questions? Voyez-vous, lui il ne va jamais avoir al-ilm en tant que tel. Oui. Mujahid ibn Jabr, Mujahid rahimahullah ta'ala. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a dit: Ni'ma nisa'u, nisa'u l'ansari, lam yamna'hunna l'haya'u an yatafaqahna fi d-din. Elle a dit: Oh, quelles sont bonnes les épouses des Ansar, ça veut dire des croyants qui vivaient à la Médine, qui sont originaires de la Médine. Aws ibn al-Khazraj. Pourquoi? Elle était en train de faire les louanges de l'Ansar, des femmes de l'Ansar, elle a dit: Parce que le jeûne, ça veut dire le haya, quand tu es gêné, voyez-vous, la honte, entre guillemets, comme ça, ne les a pas empêchés d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Il y a des gens qui n'apprennent pas la religion, c'est parce qu'ils ont gêné de poser certaines questions. Et ça, c'est contraire. C'est contraire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il s'agit de vouloir apprendre ta religion et que tu dois poser des questions, tu dois quand même les poser. Même si ça semble des questions qui sont gênantes, etc., tu dois les poser. Voyez-vous, si on regarde dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wasalam, on va trouver parfois des compagnons, n'est-ce pas, des sahaba, et même parfois des sahabiyyat, des compagnies, n'est-ce pas, qui venaient demander au prophète, alayhi salatu wasalam, des questions que personne n'oserait poser de nos jours. Voyez-vous? Mais c'est parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir comment tu fais tes ablutions, qu'est-ce qui annule ta prière, c'est quand que tu fais la prière, c'est quand que tu ne la fais pas, etc. Et si c'est important de poser des questions, mais c'est aussi important en même temps de savoir poser les bonnes questions. Ça veut dire qu'il y a un art, l'art de poser les bonnes questions. Voyez-vous, c'est pour ça que regardez, Wahb ibn Munabbih, il a dit Husnul mas'alati nisful ilmi. Il a dit l'art de bien questionner, c'est la moitié de la connaissance. Si tu sais bien poser tes questions, tu vas voir une moitié de la science qui est garantie. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Première chose, il y a certaines questions à ne pas poser dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire des questions que certains ulama, n'est-ce pas? Et ça, on en a parlé, on ne va pas parler maintenant en détail. Si vous voulez, inshallah ta'ala, sur internet, sur notre site tonislam.com, vous pouvez revenir à l'explication des hadiths nawawi, c'est le 9e hadith. Le 9e hadith nawawi, on a parlé de ça en détail, n'est-ce pas? Quand le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit كَثَّرَتُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Ça veut dire qu'il y a des questions qui sont inutiles dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, que les savants, ils appellent الْأُغْلُوطَات. الْأُغْلُوطَات, des questions qui sont complètement inutiles, des débats qui sont inutiles. Comme on le dit à chaque fois, il y a des frères, parfois, tu fais un cours, tu fais une halaqa, ton objectif, c'est de ramener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, il vient te poser une question complètement à côté. J'ai entendu parler que tel cheikh c'est un égaré. Est-ce que c'est vrai ou c'est non? Si c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais te faire tout un cours maintenant sur le fait que ce cheikh n'est pas égaré. Et si c'est vrai, est-ce que ça c'est le moment de parler de ce cheikh qui est un égaré, en sachant qu'il y a des personnes peut-être qui sont avec toi dans le même cours qui ne comprennent même pas les piliers de l'islam? Donc il faut avoir une certaine hikmah, une certaine sagesse avant de poser notre question. Comme j'ai dit, sans se gêner, mais il faut se poser, est-ce que la question, c'est une question qui est pertinente pour moi? Est-ce que ça me rapproche d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala? Et parfois, tu peux aussi poser des questions qui sont bénéfiques aux autres, en sachant que toi, tu connais la réponse. Parfois, tu poses la question afin que les autres puissent découvrir la réponse. Qui peut nous donner un exemple de ça? La preuve qui est derrière ça, c'est quoi? Hadith de Jibril alayhi salam. C'est ça? On a déjà parlé du hadith de Jibril plusieurs fois. Hadith Jibril alayhi salam, il est venu, il a demandé au prophète alayhi salatu salam, c'est quoi l'islam? C'est quoi l'iman? C'est quoi l'ihsan? Lui, il connaît les réponses, mais il a dit le prophète alayhi salatu salam, atakum yuallimukum dinakum. Il a posé toutes ces questions pour vous apprendre votre religion, pour pousser le prophète alayhi salatu salam à donner les réponses. Donc parfois, mettons, toi, tu vois les gens dans ta mosquée. Ils ne font pas les ablutions de la bonne façon. Et tu vois plein de personnes qui le font. Et toi, tu es jeune. Et la plupart des musallines, c'est des personnes âgées. Si tu vas leur dire, il y a Ami Flan, c'est comme ça qu'on fait le wudu, etc., etc., il va te dire, toi, tu ne connais rien, tu es un jeune. Et ça fait 70 ans que moi, je prie. Toi, tu viens de commencer de prière, etc. Il va dire, ah, aujourd'hui, on a une bonne occasion. Il y a un grand savant qui arrive à la mosquée, donne un cours comme ça, une conférence. Tout le monde est là. Lui, il est âgé, je vais lever ma main. Il va dire, Yachir, est-ce que c'est bon à faire quand on fait notre wudu? Il va dire, non, ça c'est contraire à la sunna, c'est pas comme ça que le wudu, on le fait, etc. Tu viens d'apprendre la religion à une masse de personnes sans qu'eux, ils ne savent. Et bien sûr, quand on demande la question aussi, tout comme enseigner et apprendre, on doit avoir l'intention pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. En posant la question, on doit avoir aussi l'intention pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaitan peut intervenir même quand tu poses une question. Il va te pousser vers l'ostentation. Il va dire, vas-y, vas-y, pose au cheikh une question qui est comme ça, hyper compliquée, pour que tout le monde va te regarder comme ça. Oh, il sort d'où lui? Nous, on ne comprend rien. On n'a même pas compris la question, sans parler de la réponse du cheikh, voyez-vous? Donc, tu dois faire attention. Est-ce que cette question, je la pose pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien je la pose par ostentation? Numéro 7. De bénéficier des savants, de visiter les savants, de passer du temps avec les savants, de même de voyager vers les savants pour pouvoir apprendre al-ilm et apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, ça j'aimerais bien un jour, inshallah ta'ala, où on pourrait prendre quelques heures pour parler de certaines histoires, n'est-ce pas, des ancêtres, comment est-ce qu'ils voyageaient pour l'acquisition de la religion. Mais on va vous donner quelques exemples ici. Saïd ibn al-Musayyib, ou ibn al-Musayyib, l'un des tabi'in, il a dit: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. Il a dit, parfois je faisais de longs voyages pendant des nuits et des jours pour arriver à avoir un seul hadith. Ça veut dire, on va lui dire, il y a tel savant dans telle ville, il paraît qu'il connaît un nouveau hadith sur la prière que nous on ne connaît pas ici. Il va dire, moi je vais l'avoir ce hadith. Il va faire un long voyage juste pour arriver. Il va dire, cher, c'est quoi le hadith? حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Trois phrases. Ok, salam alaikum. C'est ça mon voyage. Et il revient chez lui. Imagine. Ils ont fait ça pour pouvoir nous passer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à aujourd'hui. Pour que nous, aujourd'hui, tu vas sur Google, tu tapes le hadith, deux mots du hadith, il te sort au complet comme ça. Voyez-vous? Et si, subhanallah, je me rappelle, Al-Sha'bi, je me rappelle de cette histoire, je vais vous dire pourquoi. Imam Sha'bi rahimahullah ta'ala, il a dit à un autre imam, à l'un de ses étudiants qui s'appelle Salih ibn Salih, il lui a mentionné un hadith du prophète alayhi salatu wasalam. Telle personne m'a dit que telle, que telle, que telle chaîne de narration que le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit telle et telle et telle chose. Une fois qu'il lui a donné le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي مَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ. Il a dit, regarde, je te le donne ce hadith gratuitement et facilement, prends-le sans aucun effort. Et juste pour te dire, il veut lui rappeler ici la valeur de ce hadith qu'il vient de prendre. Avant nous, les gens voyageaient jusqu'à la Médine pour apprendre ce hadith. Et toi, tu le prends gratuitement. Subhanallah, j'ai une histoire avec ce hadith. Mon histoire avec cette narration ici, qui est dans Sahih al-Bukhari, c'est que je connais un frère qui étudiait à la Médine. Qui étudie à la Médine, ça fait quelques années. Alors il y a Sahih al-Bukhari, bien sûr, il y a plusieurs éditions de Sahih al-Bukhari, pas du contenu en tant que tel, mais je parle de, ça veut dire l'édition, ça veut dire l'imprimerie en tant que telle, le soin qu'on donne au livre, etc. Ça c'est important pour un livre comme Sahih al-Bukhari. Tu peux acheter Sahih al-Bukhari partout, mais pour avoir une bonne édition, tu dois choisir la bonne édition, ça veut dire l'édition que les ulama utilisent, etc. C'est une édition qui est rare. Et je sais que, bien sûr, ça se vend à la Médine. J'ai demandé à ce frère de me ramener cette édition de Sahih al-Bukhari. Je dis, la prochaine fois, Inch'Allah, quand tu reviens, lors de tes vacances, tu me la ramènes. Alors le frère est venu, il me l'a ramené, etc. C'était quatre volumes comme ça, grands. Ça s'est passé comme ça, ça fait 5 ou 6 ans comme ça. Subhanallah, je suis rentré chez moi à la maison. J'ai mis Sahih al-Bukhari comme ça de côté. J'ai juste ouvert, juste pour voir, ça a l'air de quoi à l'intérieur, intéressant, tu viens. La première chose sur laquelle mon œil est tombé, c'est cette narration. خُذْهَا بِكُلِّ شَيْءٍ خُذْهَا مِنْ دُونِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ يُرْحَلُ لِدُونِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ. N'est-ce pas? Il a dit, prends ce hadith gratuitement, sans aucun effort, alors que dans le temps, il voyageait jusqu'à la Médine. J'ai dit, subhanallah, moi, tout Sahih al-Bukhari comme ça qui est venu de la Médine, comme ça est venu jusqu'à la maison, voyez-vous? Alors que dans leur temps à eux, pour un seul hadith de Sahih al-Bukhari, tu vas voyager vers la Médine. C'est pas lui qui vient vers toi. Non. قال ابن عباس رضي الله عنه. Regardez, ça c'est Ibn Abbas, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, qui a passé sa vie, malgré qu'il était jeune, il n'a pas beaucoup vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam, c'est parce qu'il était jeune, mais il a passé ce qu'il a pu de son temps avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Malgré ça, il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait comme savoir. Il voulait en apprendre plus. Alors écoutez ça. لَمَّا تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا فُلَانُ هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ. Il a dit quand le prophète عليه الصلاة والسلام a quitté ce monde, quand il est décédé عليه الصلاة والسلام, j'ai dit à l'un de mes amis, un jeune homme comme moi, je lui ai dit, écoute, viens, on va commencer à... Naam. Donc, on parlait de l'histoire de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Et on a dit que, il a dit que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a quitté ce monde, n'est-ce pas? J'ai parlé, moi j'étais jeune, j'ai parlé avec l'un de mes amis, l'un de mes collègues. Je lui ai dit, ô jeune homme, viens, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont encore en vie. On va prendre l'opportunité d'apprendre de eux la religion. On va aller les questionner, n'est-ce pas? C'est parce qu'eux, ils ont vécu plus longtemps que nous avec le prophète, alayhi salatu wassalam. On va leur demander de nous apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, écoutez la réponse de son collègue. Le collègue de Ibn Abbas, il a dit, « Wa ajaban laka ya Ibn Abbas. » Tu es bizarre, Ibn Abbas. « Atara an-nasa yahtajuna ilayka wa fin-nasi min ashabi an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam man tara ?» Penses-tu vraiment que les gens auront besoin de toi ou bien qu'ils ont besoin de toi, sachant qu'il y a plein de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui sont en vie? Ça veut dire laisse ça, la science, le savoir, etc. C'est pas pour toi, il y a plein de compagnons, t'es jeune, va faire autre chose, voyez-vous. Alors il a dit فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ. Là on sait, chacun a pris son chemin dans la vie. Lui, il a fait autre chose et moi, je me suis consacré à la science, à demander des questions aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez ici qu'est-ce qu'il va dire, et ça c'est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Écoutez ce qu'il faisait pour apprendre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Fa in kana la yablughuni al hadith 'an ar rajul fa atihi wa huwa qa'il fa atawassad rida'i 'ala babihi fa tasfi ar rih 'ala wajhi at turab. Il a dit jusqu'au point que parfois j'entendais parler que l'un des compagnons, il connaissait un hadith que moi je ne connais pas, alors je partais chez lui et je trouvais qu'il était en train de faire sa sieste. Qu'est-ce que je faisais pour ne pas le déranger? Il prenait son rida. Rida, c'est en quelque sorte, c'est ta veste en quelque sorte. C'est tout ce que la personne, un homme, il porte sur la partie en quelque sorte supérieure de son corps. Je prenais mon rida, il le fermait comme ça. Il en faisait une forme de coussin et il se couchait devant la porte de ce compagnon. Il fait la sieste, lui aussi dehors. Il a dit, alors le sable me frappe sur mon visage. Le sable, il me frappe sur mon visage, mais je ne veux pas le déranger quand même. J'attends jusqu'à ce qu'il sorte pour probablement la prière de Asr. Et là, je vais lui dire, je vais prendre le hadith de toi, s'il te plaît. J'ai entendu parler que tu as un hadith. Donc, regardez ici, pas seulement l'aspiration et la patience qu'il a dû endurer pour apprendre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi son éthique, son respect pour les compagnons qui étaient plus âgés que lui radiyallahu ta'ala anhum. Il ne veut pas, même si c'est la journée, il sait que telle personne est en train de faire la sieste, il ne va pas, réveille-toi, je veux savoir est-ce que tu connais tel hadith, n'est-ce pas? Là, il ne le faisait pas, voyez-vous. Alors il dit فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي فَيَقُولُ يَبْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا جَاءَ بِكَ أَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ فَأَقُولُ لَا أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ. Il dit que le compagnon sort de sa maison, il me dit, ô cousin du prophète, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu aurais dû m'appeler et moi je viens chez toi. Tu me convoques, je viens chez toi. Tu es le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit non, non, non, c'est toi qui as la science, je viens chez toi. Et après ça, je le questionne sur le hadith en tant que tel. Il a dit قَالَ فَبَقِيَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ فَقَالَ كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنِّي. Il a dit quelques années plus tard, mon collègue, mon ancien ami quand on était jeune, il a commencé à me voir, je suis devenu connu, etc. Ibn Abbas, le grand savant Ibn Abbas, tout le monde aux alentours de moi, je leur apprends, etc. Alors il a commencé à se dire, كان الفتى أعقل مني. Ce jeune homme était plus sensé que moi. Il est plus sensé que moi, c'est parce qu'il a sacrifié un peu de sa jeunesse pour apprendre. Et voilà maintenant qu'est-ce qu'il est devenu. Et moi, je suis quelqu'un qui ne vaut rien en quelque sorte. Non. Et aussi dans plusieurs narrations, on a vu que les compagnons, sahaba du prophète, والسلام, quand certains d'entre eux ils se convertissaient à l'islam, ils venaient chez le prophète, والسلام, ils passaient certains jours pour apprendre la religion et par la suite ils vont revenir chez leur peuple en quelque sorte pour transmettre une deuxième fois. قال الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى دي s'il y a des أحناف ici comme ça ils ne vont pas être en colère parce qu'on a déjà parlé de Malik, Shafi'i, Imam Ahmed. Si on ne mentionne pas Imam Abu Hanifa, peut-être certains vont être en colère, ils vont dire mettons pas Imam Abu Hanifa là. Imam Abu Hanifa رحمه الله il a dit الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم وأخلاقهم. Il a dit parler des histoires des savants avant nous et m'asseoir avec les savants, j'aime ça plus que de parler de plusieurs questions qui sont reliées directement à la science. Pourquoi ? Il a dit, c'est parce que de par là, on peut apprendre leur éthique et leur code de conduite. Ça veut dire, c'est quoi un savant ? Voyez-vous ? Et ça, c'est très important. La question de l'adab, comme on a mentionné, l'éthique, n'est-ce pas ? L'éthique, certains des ulama, ils venaient chez certains autres ulama dans leur cours, dans leur halaqa, et ils disaient, on vient seulement pour apprendre de son éthique, seulement. Je n'ai pas besoin de son hadith, je les connais déjà les hadiths. Je viens pour voir comment est-ce qu'il se comporte, c'est tout. La seule raison, voyez-vous. Donc, les ulama, ils disent que c'est essentiel d'apprendre la science, la connaissance, en rencontrant les savants eux-mêmes. Et pas seulement à travers les livres, comme on va le voir, inshallah ou ta'ala. Parce que les livres peuvent te donner la science, mais les livres ne vont jamais te donner la conduite, l'éthique. Tu n'as pas un modèle à suivre qui est devant toi. Tandis que celui, c'est pour ça, subhanallah, ça c'est quelque chose que tu vas toujours voir. C'est rare des exceptions à cette règle. Un frère qui a de la connaissance et qui a étudié à partir des livres seulement, et un frère qui a de la connaissance mais qui a rencontré les savants, pour le même niveau de connaissance, tu vas voir que les akhlaqs des deux sont complètement différentes. Le premier, tu vas voir qu'il est impulsif, dur, parfois orgueilleux, etc., etc. Le deuxième, peut-être, il va être plus souple, plus doux, plus humble, etc. C'est parce qu'il a rencontré les savants, les ulama. Ce n'est pas la même chose. C'est un sentiment qui est complètement différent, voyez-vous. Et ça te donne en quelque sorte, ça t'inspire une continuité dans la chaîne. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a appris ça. Ce n'est pas toi qui l'as appris par toi-même. Alors que parfois, tu vas lire dans un livre comme ça, tu lis une, deux pages, ah, moi j'ai beaucoup de ilm, mashallah, j'ai beaucoup de ilm, regardez-moi, n'est-ce pas ? Regarde toutes les personnes qui sont ici, il n'y a personne qui le connaît, etc. Mais si tu te rappelles que tu l'as appris dans un cours d'un alim, quand tu étais assis comme ça, lui était en train de t'apprendre, etc., là tu vas te rendre compte que non, ne ris pas de toi-même, ton alim, quand il était en train de t'expliquer, ça t'a pris 15 minutes pour pouvoir comprendre ces mots, voyez-vous ? Non. Et voilà, c'est ça la narration que je voulais mentionner. Ibrahim, il a dit, Ibrahim, je pense que c'est Ibrahim Nakhai, il a dit, كُنَّا نَأْتِ مَسْرُوقًا فَنَتَعَلَّمُ مِنْ هَدِيهِ وَدَلِّهِ. On venait chez Masrouq, l'un des ulama, juste pour apprendre de son comportement, pour voir comment est-ce qu'il se comportait en tant qu'alim. Donc ici, on a parlé de la question de الرحلة, le fait de voyager dans l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en passant une petite parenthèse rapide, parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais pour ce qui est de al-rihla, pour ce qui est de voyager pour acquérir la connaissance, les savants ils ont dit que ça ne sert à rien de voyager vers un autre pays pour apprendre avant de prendre la connaissance qui existe et déjà, qui est déjà disponible dans ton pays là où tu résides. Encore une fois, c'est comme j'ai dit, il y a des frères toujours, je veux aller étudier à la Médine, je veux aller étudier à la Médine, je veux aller étudier à l'Azhar, je veux étudier vers telle place, telle place, telle place. Taïb, peut-être tu vas aller étudier, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être tu ne vas jamais aller. Mais maintenant, aujourd'hui, tu fais quoi? Il y a des cours, pourquoi est-ce que tu n'assistes pas? Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de ulama ici. Pas de ulama, mais il y a des personnes qui ont plus de connaissances que toi. Va au moins apprendre quelque chose, avance dans ta religion, et le jour où tu pourras voyager pour rencontrer les vrais savants, tu pourras le faire, voyez-vous? Donc, les gens qui te disent, moi, je ne vais pas au cours, c'est parce qu'il n'y a pas de ulama, il n'y a pas de savant, n'est-ce pas? Et toi, t'es quoi? Si toi, t'es un savant, c'est normal. On s'excuse, ya akhi, mais dans cette ville, il n'y a pas de personnes qui ont autant de connaissances pour toi, on n'a rien à t'offrir. Va chercher autre chose. Mais quelqu'un qui ne connaît rien, ou bien qui connaît que très peu sur sa religion, et qui veut tout ou rien. Je veux aller vers les savants pour étudier. Taïb, bismillah, vas-y. Non, non, non, pas maintenant. Si pas maintenant, alors fais quelque chose de bénéfique. Apprends ce que tu peux apprendre de ta religion avant de voyager. Et un frère m'a demandé tout à l'heure la question sur les ijazat, n'est-ce pas? Les ijazat, les permissions, etc. Il y a des personnes comme ça qui sont fanatiques de certains ulama, de certains savants, etc. Et ils veulent exclure les autres. Il veut exclure, parfois par jalousie, parfois par haine, parfois par ignorance, etc. Il va te dire, ah, telle personne, il appelle vers Allah. Mais c'est qui lui a donné le droit de le faire? Est-ce qu'il a ijaza d'un savant? Est-ce qu'il a telle chose? Première chose, est-ce que toi, tu sais s'il a une ijaza ou non? Deuxième chose, qu'est-ce qui l'empêche de le faire s'il n'a pas de ijaza? Bien sûr, avec deux choses. Tant qu'il ne s'est pas réclamé un savant, voyez-vous, moi je suis ici pour partager avec vous la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que moi je dis que je suis un savant? Non. Mais est-ce que ça veut dire que je vais dire, parce que je ne suis pas un savant, je ne vous apprends rien? Je garde tout pour moi? Là, c'est faux. Et celui qui prétend que tu dois être un savant, ou bien d'avoir des certifications pour apprendre la religion aux autres, on va lui dire, ça veut dire, toi, si quelqu'un demain, il vient te dire, ya akhi, je veux apprendre à prier, explique-moi comment faire la prière, qu'est-ce que tu dois lui dire? Je m'excuse, je n'ai pas de certification, je ne suis pas un savant. Tu vas apprendre à prier, va voir les savants. Son fils, il va lui demander à la maison, mon père, est-ce que mentir c'est halal ou c'est haram? Désolé, je n'ai pas de certification pour te répondre et je ne suis pas un savant. Va demander aux savants, voyez-vous, etc., etc. Il y a une différence entre quelqu'un qui partage de la science, qui a de la science, qui va la partager avec les autres, tant qu'il est en train d'utiliser les références qui sont authentiques, il n'y a pas de mal, c'est même une obligation parfois. Et entre quelqu'un qui va dire aux gens, moi je suis un alim, ça veut dire qu'il va commencer à faire la concurrence aux savants, ça c'est autre chose. Si quelqu'un il dit, moi je suis un mujtahid, etc., là on va lui dire, fais sortir mon frère, qu'est-ce que tu as? Montre-nous les certificats, c'est quels ulama qui ont dit que toi tu es un alim pour commencer. Voyez-vous, c'est la grosse différence entre les deux. Il y avait une question? طيب. نعم. Le prochain point. Est-ce que vous avez vu ça? Non, enfin, je pense qu'on va laisser une petite partie là qu'on pourra pas finir, sauf s'il y a des personnes qui sont prêtes là à continuer jusqu'au bout. Mais on va juste prendre juste une petite autre partie comme ça et s'arrêter, inshallah.